Lento con gamba. Siete suelas. Asdilae. Boni ba gobe wa mwinda. Sogi ba mbula na bambula boni ngore yo kanga mobe na muli. Patrick Bologna. Atabo tato ti mananda kwa sana troya preavi. Kaka ya mbule matalite te bonde go ya kato solae. Parfois les frères du monde on a nous à libérer. On a dit bon nous et si gagne la coupe nous tout y a calé. La peine à m'entendre au poids au gagne qui m'a mère. A dit qu'elle vit son papou quand ma basse reste amour. Iwana kenaï. Y'a vite son banana n'a d'un pas longtemps n'a qu'aussi qu'elle a éplat. Juste le temps la trouver sur les jeux spécialité y'a mon théma. Ata la exere si organo ebe nda kanga epa na yo. Alibire yo nga nipe na mibire. Apre tu motema ya mwana moto ba forsa kate murinyo. Adolfo mute ba kila mwina. Ya moke molige na mo iba plodir ba mure. Moke mama na sande te lokola nege nga lina na na kolela. Vule konoka ninto te poko tima. Bronk bosa. Sali bakata ya mwuma ponika kabrina e isala na nga lilo. Namosika na kotara na kosiri. Alina Okizaza, Erben Kulo, la vengo contre de dire mal vos ouvres et paye à bas motivayo. C'est parce qu'elle a compromettre avec les mains de l'Eura Seri. La voix d'ici, on voit les raisons. Mais n'est pas gorille, n'a pas de beau tout, tout y a tort. Des éclats, ça se montre à l'ingami, à vous gamma gataza la raison. Fantinzin, on se balait la carrière, et ma gataza la tort. Quand on accuse son chat de rage, on sait ce qu'on veut en faire. Ça n'est qu'un petit secret de policier. Jonathan Lufman, Azrani, Bali Molongo, à côté de Jobena Molongo. Ngaïka, Kayo, mon colique, dans la cuisine, à Ecclesia. Il fallait que la tête à ma bonzana espérait paradis. T'es chérie, banda, kalagangi, kagambi, si moko. Oya, ba, requin, à kangi, paquet, bon, moubimba. A comme il vous dougo, zongiza, ba, ma bonzana, maï. Gigi Palmi la Palmeraie, Gigi Mpia, Céline Angaza la Ganagou Moko magnifique. Ata la Ganagou Moko angélique. On dirait les seuls anges au Yunzambé à Bengana na paradis. Au Moko Malaïs à la Kofeta Kampetren Zambé Pongi. Yamunzamba Komaké Zorita la Gorégré va prouver ma bateau à Mokili. Akitia na Mokili Katia Tika Kama Pato à Mokili Amo. Mado Kitoko, Mérevina Taurina. Mon père, ah ouais? Yes. Lorsqu'on est seul, on va vite. Mais quand on est deux, on va plus loin. Le soleil. Maman, il est la loi. Est-ce qu'il y a le chemin, vous ne pouvez dire rien que rien. Mon ramateur d'assis à côté, la qui vient pour cailler. Tout ça n'a rien, y a-t-il la compte. Maman, la belle pire. Il a fait ma coquille, pour qu'elle m'en ait mis de couet. Ah ouais, Mama, I love you. Moïse Katumbi, Freddy Taza. Pardon, Koti Kangaï, Tena, Afonte Langaï, Malile Langue, Boma, Jean-Paul, Tony Mbaya. La Venga Boulouma, Fota, Melilia, Kota, Liritaï. Ma même vraiment, Zotona, Yena, la Marie. Pardon, Koti Kangaï, Michel Kanyembo. Pardon, pardon, Michel Kanyembo. Papa del Tibre, le grand mon père, je suis un homme, je suis Victoria Tondo, Papi Kisuka, Trésor Wano, Wagidi Boutique, Maître Clarisse Kanyembo, Rudy Mbaki, Gaël Owono et Sonore, Bouba Ousso Bourgeois na Libreville, Patrick Kanyembo. Pardon, Koti Kangaï, Tena Frontelangaï. Pardon, Koti Kangaï, Tena Frontelangaï. Michel Kanyembo, Zamo, Balilangaï, Avi. Michel Kanyembo, Zamo, Balilangaï, Montemaï. Pardon, pardon, pardon, pardon. Koti Kangaï, Mouanya, Kona, Kena, Kinen, Joku. Sako, Makuna, Nazombo, Nasera, La Pen. Est-ce qu'il y a le choix, vous ne pouvez rien que rien? Mamura matari basi ya kote la kidi ya ufukae Kutanga vini ya tena kunte guje Mila afeva kukio kukape mwonezi njukwe Ede kandolo bula Bernard Yona vandere zimere muteba Bubula lovina mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka m